5 décembre 2020, après un long voyage, se posait dans un désert du sud de l'Australie une capsule contenant des poussières d'une valeur scientifique inestimable. Prélevée sur l'astéroïde Ryugu dans le cadre de la mission japonaise Hayabusa 2, ces 5 grammes de matière carbonée pourraient nous apporter de précieuses informations sur la formation de notre système solaire et qui sait, sur l'origine de la vie sur Terre. C'est de cette grande réussite et des attentes que suscite l'analyse de ces échantillons dont nous allons parler aujourd'hui. Hayabusa 2, un astéroïde et des poussières, c'est le voyage en capsule que nous allons faire dans l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour parler de cette prouesse, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Antonella Barucci. Bonjour. Bonjour. Vous êtes astrophysicienne, planétologue au laboratoire d'études spatiales et d'instrumentation physique, le LESIA, à l'Observatoire de Paris. Et vous êtes notamment co-investigatrice pour la mission Hayabusa 2. Avec nous également Zaya Djouadi. Bonjour. Bonjour. Vous êtes maître de conférence à l'Institut d'astrophysique spatiale du CNRS et de l'Université Paris-Saclay et membre de l'équipe Astrochimie et Origine. Vous êtes également impliqué dans une équipe de recherche qui va travailler sur les échantillons de Hayabusa 2. Mais avant de retracer ce voyage dans la sonde japonaise, il est l'heure de retrouver la comète Natacha Triou et sa chevelure d'actualité scientifique. C'est l'heure du Journal des Sciences. Bonjour Natacha. Bonjour Antoine. Et pour commencer ce journal, on revient sur le variant de SARS-CoV-2 découvert en Angleterre. Oui, le 14 décembre, le ministre de la Santé britannique a été très alarmiste à son sujet. Il a déclaré qu'il s'agissait d'un virus plus virulent, qu'à Londres, cette souche serait responsable de plus de 60% des nouvelles infections et des restrictions plus sévères ont été prises en Angleterre. Alors que sait-on plus précisément? Le Covid Genomics Consortium, un groupe britannique qui séquence le génome du SARS-CoV-2, ce consortium a détecté ce variant en septembre. Il a été baptisé B117 et il forme une branche à part dans l'arbre phylogénétique du virus. Il présente de nombreuses mutations, plus que la plupart des variants qui circulent déjà. Alors on le sait, un virus à ARN mute lorsqu'il se réplique, il mute tout le temps. Or, ce qu'il y a de particulier ici, c'est qu'il s'agit d'un combo de mutations. Elles ont été détectées dans la séquence génétique qui code la protéine Spike, cette fameuse clé qui permet au virus d'infiltrer nos cellules. Ce sont des mutations que l'on a déjà observées auparavant dans différentes souches du SARS-CoV-2, notamment chez le wison. Mais ici, c'est une nouvelle combinaison de mutations qui inquiète. Oui, et selon les experts britanniques, il est urgent de renforcer sa surveillance au niveau mondial. Oui, il a déjà été identifié aux Pays-Bas, en Australie, au Danemark. En France, il faudra attendre encore quelques semaines pour savoir si ce variant est présent. Alors, on sait que la fréquence de cette souche a augmenté, mais pour savoir à quel point elle est virulente, des expériences en laboratoire et des analyses épidémiologiques sont nécessaires. On ne sait pas si ce variant est plus grave, plus dangereux. Nous n'en avons aucune preuve, d'autant plus que la majorité des cas à l'avoir contracté ne sont que des patients de moins de 60 ans, donc moins à risque. Et quid des vaccins? Faudra-t-il les remettre à jour? En Angleterre, des recherches sont déjà en cours pour vérifier si des anticorps fonctionnent toujours aussi bien. La bonne nouvelle, c'est que ces vaccins contre ce coronavirus entraînent une large réponse immunitaire contre l'ensemble de la protéine Spike. Et vous pouvez retrouver, comme chaque jour, sur notre fil Twitter, @laméthodefc, tous les liens vers les études et les articles dont on parle dans le Journal des Sciences, mais aussi dans l'émission. Et on passe au bref. Des députés ont demandé au gouvernement d'agir pour sauver l'indépendance éditoriale du magazine Science et Vie. Et cette revue de vulgarisation scientifique de référence a été rachetée par le groupe Reward Media, qui remplace les journalistes de la rédaction numérique par des chargés de contenu qui ont diffusé sur le web à plusieurs reprises des articles erronés. Malgré la démission du directeur de rédaction, malgré la menace d'une démission collective des journalistes, d'une grève à l'unanimité, d'une motion de défiance contre la nouvelle direction, malgré une pétition en ligne et une tribune signée par 300 universitaires et scientifiques, le groupe Reward Media n'a pas scié. Des parlementaires ont donc adressé des courriers au ministre de l'économie et à la ministre de la culture afin que les pouvoirs publics prennent cette affaire en main. En bref, toujours, selon une étude parue hier dans la revue Nature Sustainability, presque toutes les espèces animales pourraient perdre une partie de leur habitat naturel d'ici 2050. Et selon les modélisations de ces chercheurs britanniques, sur 20 000 mammifères terrestres, amphibiens et oiseaux, 87,7% de ces espèces vont perdre leur habitat. En cause, l'expansion agricole. Pour répondre à la demande alimentaire croissante, l'agriculture est une menace énorme pour la biodiversité. Selon les trajectoires actuelles, ces 30 prochaines années, nous aurons besoin de 2 à 10 millions de kilomètres carrés de terres agricoles supplémentaires, le tout au détriment des espaces naturels, et ce, sur tous les continents. Seule la réduction du gaspillage alimentaire au niveau mondial et un régime plus végétarien pourraient ralentir ce phénomène. Merci beaucoup Natacha, on vous retrouve demain pour le prochain Journal des Sciences. Hayabusa, en japonais, signifie « faucon pèlerin ». C'est un pèlerinage de 6 ans et de 5,3 milliards de kilomètres qu'a effectué la capsule embarquée à bord de la sonde japonaise et qui s'est déposée au début du mois de décembre en Australie. À son bord, je le disais en introduction, 5 grammes de matière de poussière au lieu des 100 milligrammes prévus. 5 grammes qui pourraient nous apporter des informations déterminantes et notamment sur la formation de notre système solaire. Pour parler de cette mission et de ce moment très important que connaît la recherche sur les astéroïdes, nous sommes accompagnés aujourd'hui d'Antonella Barucci et de Zaya Djouadi. Et on commence tout de suite par un petit regard dans le rétroviseur. Écoutez, c'était le 5 décembre dernier sur la chaîne France 24. Un éclair dans la nuit, telle une étoile filante, la capsule japonaise larguée par la sonde Hayabusa 2 pénètre dans l'atmosphère terrestre et atterrit dans le désert australien. Les scientifiques japonais ont fait le voyage pour récupérer son précieux chargement. Quelques grammes de matière du sol et du sous-sol de l'astéroïde Yugu. C'est un moment extraordinaire dans l'histoire humaine qu'une telle capsule ramène des échantillons aussi précieux sur Terre. Cela devrait ouvrir des perspectives scientifiques totalement nouvelles. La sonde japonaise a réussi l'exploit de toucher rapidement à deux reprises le sol de l'astéroïde Yugu, 900 mètres seulement de diamètre, à 340 millions de kilomètres de la Terre. En octobre 2018, elle y avait largué un robot miniature pour analyser la composition du sol, sa température et son champ magnétique. Étudier la structure de ces astéroïdes, c'est mieux comprendre l'origine de la formation du système solaire et de ses planètes et l'apparition de la vie. La sonde Hayabusa 2 ne s'arrête pas là. Elle est repartie vers une nouvelle cible qu'elle devrait atteindre en juillet 2031. Mais il est peu probable cette fois qu'elle ait suffisamment de carburant pour revenir sur Terre. Voilà pour l'annonce de cette prouesse, une réaction à ce que vous venez d'entendre et puis à cet atterrissage. Antonella Barucci, comment vous avez réagi quand vous avez vu ces images ? C'était incroyable parce que d'abord la mission il devait prendre jusqu'au 0,1 g de la surface de l'Ugu et par contre il est arrivé à reporter sur Terre 5,4 g. Donc c'était vraiment quelque chose d'extraordinaire. Et cette matière, c'était une matière si importante pour comprendre notre système solaire, parce que vous savez, les astéroïdes. Donc là, peut-être, je peux vous dire quelque chose sur les astéroïdes. Les astéroïdes sont vraiment les briques qui ont formé notre système solaire. On peut les considérer comme les briques. Parce que quand on a eu la formation de notre système solaire, la poussière et les gaz autour du Soleil s'est accrété ensemble à former des petites, de plus en plus des objets qu'on appelle les planétésimaux, qui se sont agrandis, donc de quelques centimètres à quelques mètres, jusqu'à former les astéroïdes. Donc les astéroïdes sont les planétésimaux qui sont pas arrivés à former une planète, et donc ils contiennent toute l'information pour comprendre l'origine de notre système solaire, mais aussi l'origine de la vie, donc on pourrait parler aussi de ça. Après. Et on va en parler tout au long de cette heure. Zaya Djouadi, comment vous avez réagi quand vous avez vu cette capsule se poser dans un désert australien ? Écoutez, beaucoup d'émotions. C'était franchement une prouesse extraordinaire. Et puis surtout, après quelques jours, quand on a vu la quantité de matière rapportée et la taille et la nature des grains, c'était franchement, c'est génial. Et on va parler de ces échantillons, voilà, et du travail qui va être réalisé notamment par vous, les scientifiques, sur ces poussières d'astéroïdes qui sont beaucoup plus importantes que leur apparence finalement ne le laisse présager. On disait que c'était une prouesse et on va voir tout au long de cette heure pourquoi. Mais c'est une prouesse qui vient pas nulle part. Si on parle de Hayabusa 2, c'est donc qu'il y a eu, je suis perspicace, un Hayabusa 1. Est-ce que vous pourriez nous rappeler, Antonella Barucci, les grands principes de la première mission Hayabusa 1 menée par la JAXA, l'agence spatiale japonaise, en 2003? Oui, donc Hayabusa, c'était la première mission de la JAXA vers un astéroïde, mais c'était vraiment une mission plutôt des technologies. Donc, c'était une première essai de voir comment les Japonais pouvaient arriver à faire une mission de simple retour. Et c'était une mission qui a donné quand même beaucoup de résultats, même s'il y a eu pas mal de péripéties. Comme je disais, ces missions, c'était technologie. Donc, tester la technologie pour arriver et porter des échantillons sur Terre. Donc, on est arrivé à voir quelques petits microgrammes de cette surface de Itokawa. L'astéroïde s'appelait Itokawa. Mais il faut savoir qu'Itokawa, c'était un astéroïde différent de Ryugu. Parce que dans l'ensemble de la population des astéroïdes, on a des astéroïdes de différentes compositions. Donc, Itokawa, c'était un astéroïde très facile à rejoindre pour son orbite, mais c'était plutôt formé des silicates, donc des matières plutôt évoluées. Par contre, Ryugu, c'est vraiment un objet très primitif du système solaire. C'est un objet carboné, on le rappellera. Vous évoquiez, Antonella Barucci, l'aspect un petit peu, le semi-échec de cette mission Hayabusa 1, même si ça a été déterminant pour l'établissement et la mise en place de Hayabusa 2. Zaya Djouadi, quel a été ce semi-échec? Pourquoi Hayabusa 1, finalement, a un petit peu loupé sa cible? Elle n'a pas totalement loupé dans le sens où effectivement elle a pu rapporter à peu près 1500 particules, mais il y a eu quelques péripéties. Ils avaient perdu contact avec la sonde, puis ils avaient retrouvé contact. On se demandait si vraiment il y a eu un ramassage, s'ils ont pu récolter quelques grains. Et puis grosse surprise finalement, c'est arrivé en 2010 avec des grains en effet. Mais c'était donc, comme disait Antonella, c'était une mission qui a aussi permis de corriger toutes les erreurs et de bien préparer Hayabusa 2 qui est un succès extraordinaire. Effectivement, Hayabusa 1 a eu comme cible Itokawa. Itokawa est un astéroïde dit de type S, donc essentiellement des silicates, mais aujourd'hui de type C, carboné. C'est encore beaucoup mieux pour les études que l'on mène au laboratoire. Antonella Barucci, vous évoquiez le côté un peu préambule de cette mission Hayabusa 1. On rappelle que c'est quand même une mission très très importante et qui a marqué un petit peu l'histoire de la recherche sur les astéroïdes, puisque c'est la première fois qu'on ramenait sur Terre des échantillons d'astéroïdes. Oui, parce que alors, il faut savoir que ces objets sont petits, il faut se souvenir que Itokawa et Ryugu sont des astéroïdes geocruiser, donc ce sont des astéroïdes qui sont proches à la Terre, donc c'est assez plus facile à arriver à les rejoindre et avoir du simple retour, mais ils sont très petits. Donc, aussi Itokawa, c'est très petit, ils ont une gravité très petite. Donc, faire atterrir une sonde spatiale, c'est pas facile. Et donc, les deux missions, Hayabusa 1 et Hayabusa 2, ils ont utilisé comme technologie pour prendre des échantillons, c'est qu'on appelle en anglais touch and go. Donc, on touche la surface pour quelques secondes et on ramène sur Terre les échantillons. Et donc, c'était très compliqué. Et à Hayabusa 1, il s'était mis, il y a des reconstructions, des travers avec un des panneaux solaires qui touchait les sols. Et on ne savait pas, parce qu'il bon, y a des cailloux sous cette surface, comme sous la comète. Vous vous souvenez de toute l'histoire de Rosetta avec la péripétie du Philae qui s'était perdu, qui avait touché des cailloux, etc. Donc là, on était descendu avec tout la sonde spatiale. Et donc, comme il y avait des morphologies des surfaces des cailloux différents, il n'était pas tout droit, il pendait d'un côté, et donc on avait peur que les simples retours ne puissent pas avoir touché la surface et prendre des échantillons. Par contre, non, il était arrivé même cette première mission à ramener sur Terre des matériaux assez précieux. Ces matériaux, ils sont très précieux, vous l'évoquiez tout à l'heure, Antonella Barucci. Zaya Djouadi, quand on parle d'astéroïdes et d'études des astéroïdes, pourquoi c'est si important de ramener des petits morceaux, des petites briques de ces bouts de cailloux qui volent un petit peu loin de nous? Oui, comme disait donc Antonella, ça fait partie des petits corps du système solaire et en fait, ce sont des témoins privilégiés des débuts de notre système solaire. Et l'idée, en fait, d'envoyer des missions vers ces petits corps, elle a commencé, on va dire, vers les années 80. Elle a émergé vers le début des années 80 avec les missions Giotto et Vega qui avaient survolé la comète Halley et qui avait détecté effectivement des composés organiques, du carbone, de l'hydrogène, de l'oxygène et de nitrogène, de l'azote. Et du coup, s'est posé la question du rôle potentiel qu'ont joué ces petits corps du système solaire dans l'apport de la vie sur Terre et de l'eau. Et donc, ont émergé ces idées de mission spatiale. Donc, la première mission à avoir rapporté des grains cométaires, c'était la mission Stardust. Ça s'est passé en 2006. Et puis, a suivi la mission Hayabusa 1 et aujourd'hui Hayabusa 2 et en 2023 Osiris-Rex, etc. Donc, l'idée, effectivement, c'est d'étudier ces petits corps du système solaire qui sont primitifs, qui ont gardé la mémoire des débuts, et par rapport à la matière que l'on a en laboratoire, qui est disponible aujourd'hui, telles que les météorites, les micrométéorites, telles que les IDP, Interplanetary Dust Particles, ce sont en fait des petits corps qui ont subi l'entrée atmosphérique. Là, l'idée, c'est d'aller récolter au niveau du corps par an. Parce que la grosse incertitude avec l'analyse de matériaux extraterrestres aujourd'hui en laboratoire, mais c'est quel est le corps parent de ces éléments. C'est bien beau, on trouve de la matière organique, on trouve des minéraux, on arrive à remonter une histoire, mais on s'est dit, mais finalement, d'où ça vient? On fait des hypothèses d'origine. Mais aujourd'hui, avec ces missions de retour d'échantillons, l'origine, le corps parent est bien identifié. Et bien sûr, le corps parent primitif qui va nous ramener des informations très importantes. Et on va voir dans un instant comment on est remonté justement à la source de ce corps parent, de cet astéroïde Ryugu. France Culture, la méthode scientifique, Antoine Beauchamp. Vous écoutez la méthode scientifique sur France Culture. Nous continuons d'évoquer le retour sur Terre des échantillons de l'astéroïde Ryugu relevé par la sonde Hayabusa 2 en compagnie de nos deux invités, Antonella Barucci et Zaya Djouadi. Alors, qu'est-ce qu'on savait, Antonella Barucci, avant de nous rapprocher de l'astéroïde Ryugu, de cet astéroïde-là? Cet astéroïde, on pouvait l'observer du sol, on l'avait observé avec les télescopes qui sont sur Terre. Et donc, quand vous observez avec les télescopes, vous voyez un point. Et ces points, ça nous donne des informations, ça nous donne des informations sur la composition. On peut faire des estimations de la période de rotation, mais c'est global. On n'arrive pas à voir la résolution des détails de la surface parce que l'intensité, c'est d'un point, même s'il tourne sur soi-même, quand on l'observe, c'est l'intégralité de la mesure pendant toute sa rotation et de l'ensemble de l'objet. Donc, on avait des informations, on connaissait que c'est un objet primitif, donc classé comme C, type C, qui ça veut dire carboné, riche en carbone, que c'est très important, mais on n'avait pas beaucoup plus d'informations. Et donc, c'est grâce à la mission, avec la mission qui était autour de l'astéroïde pendant presque une année et demie, et qui a donné, avec tous les instruments, toutes les caractéristiques de la morphologie, de la surface, de la composition en détail de cet objet. On n'avait pas idée de la forme de l'astéroïde Ryugu avant de s'en approcher avec la sonde Hayabusa 2? Non, parce qu'en réalité, on peut déduire la forme en fonction de l'intensité lumineuse ou par mesure radar. Mais sur Ryugu, on n'avait pas fait des mesures radar. Donc, on ne connaissait pas du tout la forme de cet objet. Zaya Djouadi, alors, comment on a pu déterminer cette forme-là? Quels étaient les instruments finalement embarqués par la sonde Hayabusa 2 pour dresser la carte d'identité et le portrait de cet astéroïde? Il y a eu effectivement beaucoup d'instruments qui ont été embarqués, qui ont permis de mesurer la densité, la porosité, et qui ont estimé la porosité. Aujourd'hui, avec les grains rapportés sur Terre, nous allons confirmer tous ces résultats. Et cette forme, avec un équateur qui est plus ou moins élargi par rapport au pôle, en fait, les scientifiques supposent qu'en fait, c'est dû à une rotation rapide à un moment qui a fait que la matière s'est mise comme ça un peu dans l'équateur. C'est concentré. Concentré au niveau de l'équateur, exactement. Antonella Barucci, sur cette instrumentation embarquée pour capturer l'image et puis dresser le portrait de l'astéroïde Ryugu, pardon. Oui, donc il y avait des caméras à différentes résolutions. Il y avait des spectromètres à l'infrarouge, des spectromètres, des instruments dans l'infrarouge thermique et aussi un lidar qui pouvait donner la distance de l'objet. C'est comme une espèce d'altimètre qui donne la distance et on peut détecter les variations de la surface. Donc cet objet, c'est un objet qui, on peut le définir, en anglais, défini rubble pile, ça veut dire c'est un agrégat de matière qui s'est réformé ensemble. Et donc, qui avec cette rotation rapide a formé cette forme avec des pôles plus bombés. Mais la chose incroyable de la mission, c'est pas seulement les instruments, c'est des missions qui, à part avoir donc les échantillons retournés sur Terre, c'est une mission qu'il y avait 4 rovers. Il y avait des petits rovers qui s'appelaient Minerva, qui faisaient comme la dimension d'une boîte d'allumettes. Il y avait aussi un rover mascotte qui était construit par les CNES et les DLR, avec plusieurs instruments aussi à bord. Et encore, la chose plus incroyable de cette mission, qu'il y a eu aussi un impact avec la surface. Donc, les Japonais sont vraiment grandioses sur tout ça. Et vous imaginez, c'est une mission qui ça coûtait pas vraiment beaucoup, mais qui c'était incroyable. Et donc, cet impact, c'était un petit projectile en cuivre qui faisait à peu près 2-3 kg, qui était impacté sur la surface, qui a fait un de 10 mètres, et comme ça on a pu avoir un échantillon sur la surface des Rugu et un échantillon en proximité du cratère pour voir aussi à l'intérieur de la surface les propriétés de ces matériaux si précieux. Alors avant d'en arriver justement à ce prélèvement d'échantillons sur l'astéroïde Rugu, tout n'a pas été si simple, hein. Il a fallu s'approcher de l'astéroïde et Zaya Djouadi, quand les chercheurs japonais ont approché la sonde, ils se sont rendus compte de quelques problèmes d'accès, on va dire. Ouais. Ils se sont rendus compte en fait de la structure, comme disait Antonella, de Rubble Pile, c'est-à-dire comme des agrégats de matière, et s'était posé la question, alors qu'on s'attendait à du régolithe, de la poudre fine, un peu comme Itokawa, un peu comme la Lune, etc. Et là, s'était posé de gros soucis, de gros questionnements quant à la réussite ou pas de l'atterrissage, si je puis dire, et la récolte des grains. Mais finalement, tout s'est très bien fini. Et comme disait Antonella, effectivement, le fait d'avoir récolté des grains en surface et en subsurface, l'idée aussi, c'est d'étudier les effets des rayonnements, etc., sur la surface, et de voir un peu la différence entre la surface et les grains de la subsurface, pour avoir des informations. Est-ce qu'il y a eu des irradiations qui ont fait perdre peut-être de l'eau? Est-ce que l'eau est en surface ou à l'intérieur, etc.? Donc franchement, c'est une réussite extraordinaire, cette émission. Oui, on le comprend bien. On attend vraiment maintenant avec impatience les premiers résultats. Elle est d'autant plus extraordinaire, cette mission, que tout ça s'est fait en... Il a fallu 5 secondes quand même pour faire ces prélèvements. La fenêtre est vraiment incroyablement petite. Il faut viser à 6 mètres sur un objet qui est à 300 millions de kilomètres de nous pendant 5 secondes. C'est ça, Antonella Barucci? Oui. Et donc, moi, j'étais à la JAXA, à Sagamihara, au Japon, pour choisir, avec tous les teams japonais, choisir les sites d'atterrissage. Et donc, la sonde est arrivée autour de l'astéroïde Ryugu en juin 2018. Et en juillet, jusqu'à deux mois après, on a commencé avec toutes les équipes, avec tous les différents instruments, avec les premières informations, voir où on pouvait atterrir, parce que c'était vraiment très compliqué. Et à la fin, il fallait aussi choisir l'atterrissage qui apportait plus d'informations scientifiques, mais aussi la zone qui était à moins de risques par rapport à cette surface si compliquée. Donc, ce n'était pas quelque chose de facile. Oui, parce que tout le monde gardait en tête, justement, Rosetta, Chury, le traumatisme un petit peu de l'objet scientifique envoyé un petit peu dans l'espace et qui reste bloqué. Oui, mais en plus, là, à Hayabusa 1, l'objet était, il y avait des surfaces, c'était beaucoup plus lisse. Donc là, c'était vraiment beaucoup plus compliqué, toute la réalisation des choix des sites d'atterrissage. Zaya Djouadi, sur ce prélèvement d'échantillons, le tout n'est pas de le prélever, il faut ensuite le protéger. Alors comment, une fois la poussière de l'astéroïde Ryugu prélevée, on la protège? Eh bien, ils l'ont mise dans des capsules. Ils ont bien scellé les capsules, c'est ce qu'ils ont dit sur leur site. Et ensuite, ça a été ramené, comme vous dites, c'est arrivé en Australie, pardon. Et là, ça a été emmené dans une salle blanche, dans un premier temps. Ils ont prélevé un peu de gaz, qu'ils avaient prélevé aussi. Et ensuite, ils l'ont refermé. Elle est partie à la JAXA. La capsule, elle y est maintenant, actuellement, elle y est. Donc, c'est là où ils ont ouvert et observé les grains. Et tout se passe en fait dans un environnement propre, avec un gaz inerte, histoire d'éviter la contamination avec notre propre atmosphère, et histoire de préserver les grains tels qu'ils ont été rapportés de la barre de Ryugu. Antonella Barucci, il y a eu une deuxième surprise. Alors tout s'est bien passé, mais en plus, il y a eu une bonne surprise, c'est que on prévoyait de collecter 100 mg de poussière à la surface de Ryugu. Finalement, ce sont plus de 5 grammes qui ont été collectés. Alors pourquoi ces 5 grammes ont été collectés? Comment et où? Comme je disais, c'était une grande surprise d'avoir tous ces grammes de matériaux. Normalement, quand on fait une mission spatiale, on fait ce qu'on dit la réussite de la mission. Donc, les Japonais avaient défini qu'avec un 0,1 gramme, c'était un grand succès. Ça aurait été plus qu'il y a 12 ans. Et c'était quand même un succès parce qu'on pouvait faire quand même tout un certain nombre de mesures. Et la grande surprise, qui est quand ils l'ont ouvert, bon, d'abord, ces grains, c'était beaucoup plus résistant, beaucoup moins friable de ce qu'on pensait, et qu'il y en avait beaucoup, c'est des petits grains noirs, parce que ces objets sont très sombres. Donc, quand on dit du carbon, il faut vraiment penser au carbon noir. Et donc, l'assemble, parce que, donc, ils s'étaient mis dans deux containers différents. Et l'ensemble de ces matériaux, ça faisait 5,4 grammes, bah, c'était la réussite. On ne pouvait pas espérer les plus. Hein. C'était vraiment quelque chose de magnifique. Et donc, tout ça était apporté à la Correction Facility. La Correction Facility, c'est ce centre à Sagamira où on peut mettre dans cette salle propre, comme disait Zaya, ces matériaux. Il ne faut même pas les toucher avec les mains. Il y a cette grosse machine où il y a des gants. On met, parce que pas seulement l'atmosphère, la température de la chambre, l'humidité, on ne peut pas les toucher. Donc, c'est vraiment hyper protégé et des lieux à vide, propres. Et donc, là, on va commencer, ils vont commencer à faire toute une classification. Donc, d'abord, les peser, après, c'est les classifier. Et après, ils vont les garder une certaine quantité pour la postérité. Et une quantité, il va être distribué dans les différents laboratoires pour faire toutes les analyses. On va parler plus tard. Après, on va parler après, en deuxième partie d'émission, de tout le travail qui va être réalisé sur ces échantillons-là. Il n'y a pas que les échantillons qui ont été récupérés sur cet astéroïde Ryugu par la sonde Hayabusa 2 et notamment par ces rovers dont vous parliez, Antonella Barucci, les rovers 1A et 1B qui sont un peu particuliers parce qu'ils bondissent et ils capturent des images. Zaya Djouadi, pourquoi c'est aussi très important de capter des images à la surface de l'astéroïde? Les images peuvent aussi donner des informations quant à la formation de ces petits corps. Déjà, ça peut se corréler aussi avec les analyses que l'on va faire en laboratoire. On va se dire, OK, ça se passe dans un environnement donné, donc ça a subi tel processus. Si on voit un cratère, ça a subi peut-être une irradiation ou un bombardement, etc. Donc les images sont aussi très importantes pour la géologie de la surface. Ça, c'est un autre domaine, effectivement, et qui peut apporter beaucoup d'informations. Parce que l'idée, en fait, c'est de remonter à toute l'histoire de ce petit corps. D'où est-il issu et comment est-ce qu'il a évolué, etc., etc. Donc, l'idée aussi de ramener de la poussière en laboratoire, c'est de faire aussi les liens entre les analyses avec du matériel très pointu, avec les observations qui ont été faites par l'orbiteur, faire le lien entre les spectres obtenus en orbiteur avec la composition chimique de ces grains. Donc tout ça, ça va nous donner franchement des avancées extraordinaires pour nos recherches. Et les images sont aussi très importantes. Antonella Barucci, sur cette question des images, des outils, des relevés effectués par les spectromètres, quelle importance ils ont? Oui, donc les spectromètres, ça donne une information de la composition de la surface. Et donc, on a pu avoir toute une map de la surface de Ryugu avec toutes les caractéristiques de la surface. Et donc, un des grandes découvertes, c'était que c'est un astéroïde hydraté, donc qui contient des phyllosilicates. Donc, ça veut dire qu'il confirme l'hypothèse qu'il y avait eu l'eau à l'état liquide à un certain moment de l'évolution de l'histoire de ces objets et que cette eau à l'état liquide, naturellement, il n'existe plus aujourd'hui, mais qu'il a permis la formation de certains minéraux qu'on appelle aujourd'hui les minéraux hydratés. Et donc, la signature qui est quand même faible parce que cet objet, il a subi aussi des températures très élevées, il tourne tout proche du soleil, mais ça donne beaucoup d'informations sous cette composition de la surface. Alors, entre les différents instruments, on avait aussi un petit, comme on disait, mascotte, un petit lander, où il y avait aussi des autres instruments. Et donc aussi, cette lander, il pouvait faire des mesures sur la surface pour comparer les mesures faites depuis la sonde spatiale, les mesures faites sous la surface de l'objet et après ce qui sera fait en laboratoire. Et tout ça, ça nous permet de faire ce qu'on appelle la vérité des mesures, vérifier si ce qu'on déduit depuis les sols avec les observations terrestres, ils sont corrects ou non, vérifier ce qu'on déduit avec les instruments spatiaux autour d'un objet et après confirmer quand on fait l'analyse. Donc on augmente la poussée de la technologie Et les retours d'échantillons, c'est les tops du top du top. Ça veut dire, on peut faire tous des mesures incroyables qu'on n'arrive pas seulement avec des instruments à bord autour de l'objet lui-même. Mais on peut vérifier tout ce qu'on déduit, si c'est bien, si c'est correct, etc. Ezaïa Djouadi, ces échantillons, c'est vraiment l'or de cette mission. En plus de toutes ces informations extrêmement précieuses que nous apportent les autres instruments, ces échantillons, Ezaïa Djouadi, ils ne sont pas homogènes. En fait, ce qui est drôle, c'est qu'il y a des grains un peu plus costauds, un peu plus gros, qui se sont retrouvés enfermés malgré eux dans le conteneur. Et c'est eux qui ont contribué finalement à l'apport et au retour sur Terre d'échantillons plus lourds que ce qu'on prévoyait. Oui, alors ils sont pas homogènes comme vous dites, ils sont pas homogènes en forme, ils sont pas homogènes en composition non plus. Et justement maintenant aujourd'hui avec toutes les techniques expérimentales que l'on a en laboratoire dont on dispose, on peut arriver à des résolutions, ce qu'on appelle des résolutions spatiales très petites. On peut aller chercher l'information à une échelle nanométrique, micrométrique. Donc ça c'est génial. C'est pour ça que l'apport de ces grains en laboratoire est une chose très importante pour la suite de ces études et pour faire le lien avec les observations qui sont faites en orbite et les observations qui sont faites de loin, quoi, de Remoute Saint-Cygne. Donc effectivement, ces hétérogénéités sont aussi des informations très importantes quant à la formation de ce petit corps. Oui. Vous pouvez rester donc à l'écoute de la méthode scientifique. On va parler justement après la pause musicale de tout ce travail très précieux de recherche qui va être réalisé à partir des échantillons relevés sur l'astéroïde Ryugu. Troisième Bloody Mary. Ce soir, l'alcool te fait sourire, et nous nous connaissons à peine. Ta lèvre supérieure s'agite et brûle dans mon cœur l'envie de redresser les ailes. Là où je vis, là-haut, je ne vois plus le ciel depuis qu'une ombre à traverser mon nid. Mais j'aime quand tu souris, et nous nous connaissons à peine. Et nous nous connaissons à peine. Et nous nous connaissons à peine. Et nous nous connaissons. Avec un homme qui faisait sourdre ta antenne, mais il a trahi ton corps en voulant coupler son plaisir à d'autres chaleurs que la tienne. J'exhume ma rupture avec une encre qui fit de moi cette plume frêle. J'ai perdu trop de temps, brisé mon âme de regret. Ce soir vas-tu être ma reine. Car moi, je te regarde, et dans tes yeux, je vois la lumière d'un refrain. Et tu te loges sur mon lit, et tu te plains de cette vie. Tu me souris, car ça va mieux ce soir, tu dis. Et moi, je te regarde. Bloody Mary de Baptiste Duglovet Hamon à 16h34 dans la méthode scientifique sur France Culture. Nous parlons tout au long de cette heure de la mission Hayabusa 2 et du retour réussi sur Terre des échantillons de l'astéroïde Ryugu. Nous en parlons avec Antonella Barucci, astrophysicienne et planétologue au LESIA, à l'Observatoire de Paris, en compagnie également de Zaya Djouadi, maître de conférence à l'Institut d'astrophysique spatiale du CNRS et de l'Université Paris-Saclay et membre de l'équipe Astrochimie et Origine. Alors j'évoquais juste avant la musique ces échantillons. On l'évoquait ensemble, il est temps à présent de se pencher dessus et de faire un tour du côté des laboratoires qui vont avoir la chance et le privilège de travailler sur cette précieuse poussière. Cette analyse des poussières de Ryugu est répartie entre de nombreuses équipes de recherche dans le monde et parmi elles des équipes françaises et notamment celle que vous êtes allé voir, Céline Lozen, à l'Institut de Minéralogie, de Physique des Matériaux et de Cosmochimie du Muséum d'Histoire Naturelle. Bonjour Céline. Bonjour Antoine. Oui, l'IMPMC qui héberge le NanoSIMS, un instrument qui va réaliser les analyses préliminaires du fragment de Ryugu. Il s'agit d'un instrument très impressionnant qui fait de la spectrométrie de masse à ionisation secondaire. Autrement dit, il s'agit d'une sorte de très grosse sonde ionique qui pourra scruter très finement le fragment de l'échantillon. Le NanoSIMS est géré par Jérôme Aléon de l'équipe chimie, Mathieu Roscos de l'équipe minéralogie des grains et Laurent Rémusat qui, lui, est dans l'équipe matière organique insoluble. Tous les trois se préparent en ce moment à recevoir de la JAXA le fragment d'astéroïde qui devrait donc arriver en juin 2021. D'ici là, chacun se prépare à ses propres enjeux scientifiques, qu'ils soient au niveau de la composition minéralogique ou bien de la détection de molécules organiques. Notre contribution, c'est une partie de notre savoir-faire sur l'analyse des matériaux extraterrestres sur les thématiques qui sont les nôtres et qui intéressent l'Agence spatiale japonaise, et d'autre part une contribution aussi analytique, puisqu'on va mettre à disposition les instruments des plateformes du laboratoire pour analyser les échantillons. On dit que Ryugu est un astéroïde de type C carboné. On espère y trouver à la fois des molécules organiques et des indices sur le caractère primitif pour éclairer un peu les scénarios de formation du système solaire, dans le sens où il y aurait très peu évolué. Qu'est-ce qu'on peut espérer détecter sur ces 100 mg ? Alors tout à fait, on essaye de chercher dans ces échantillons des traces des premières molécules qu'on a pu avoir dans le système solaire, mais on a aussi des indicateurs dans les minéraux de la formation de ce système solaire, donc on va chercher dans ces échantillons finalement des informations sur nos origines. Alors, une des méthodes d'analyse qu'on va utiliser principalement, c'est ce qu'on appelle la spectrométrie de masse par émission d'ions secondaires à l'échelle nanométrique, donc ce que nous on appelle dans notre jargon nanoSIMS, c'est-à-dire ça permet de mesurer la composition chimique d'un échantillon à une échelle extrêmement petite, inférieure à un millionième de mètre. Alors moi je fais partie d'un groupe qui s'intéresse aux matières organiques, et je vais récupérer des échantillons qui ont avant été analysés à l'université de Grenoble et à l'université d'Orsay. Et ensuite, on va les étudier sur le NanoSIMS, donc cette grosse machine que Jérôme a décrite. On peut aller voir de plus près cette machine optique. Elle a l'air assez compliquée. Non ? C'est une sorte de gros microscope. C'est comme un gros microscope qui nous permet d'avoir accès à la composition chimique des échantillons à une toute petite échelle. En termes de dimension, c'est un instrument qui fait... Ça a la taille d'une voiture sans permis, on va dire. Oui, c'est un peu plus gros parce qu'il faut rajouter les caissons d'électronique. Il y a la machine elle-même et puis il y a tout ce qui a fait l'électronique derrière. Et en hauteur, on est à peu près 2,30 m de hauteur, quelque chose comme ça. Ça contraste avec la taille de l'échantillon qu'il y aura analysé. Et oui, ça contraste, mais c'est quelque chose d'assez général. Plus on veut travailler à petite échelle, plus on a besoin d'instruments puissants et plus ils sont gros. Donc alors là, comment ça se passe? En fait, les échantillons sont introduits en plusieurs étapes dans la chambre d'analyse de l'instrument. Il y a un sas, tout d'abord, où on va mettre l'échantillon à dégazer. On va le laisser sous vide pour qu'il s'habitue au vide. Ensuite, on a une chambre de stockage, ce qui permet de cycler entre plusieurs échantillons. Et puis, on a une chambre d'analyse où l'échantillon reçoit le faisceau d'ions qui arrive de l'instrument et où les atomes sont arrachés et vont aller dans la partie de la machine qui se trouve en amont et en aval de l'aimant. Ils sont très bêtes, comment ils sont guidés, les faisceaux d'ions ? Alors, c'est de l'optique électromagnétique, ce sont des lentilles avec des champs électriques et des aimants. Voilà. J'imagine qu'il n'y aura pas de reproductibilité, de répétabilité tellement possible, donc il faut bien se préparer. Est-ce qu'il y a des paramètres vraiment très critiques pour bien réussir les mesures ? Alors pour réussir les mesures sur cet instrument, ce qui est très important, c'est de calibrer les effets de l'instrument. Donc on utilise des échantillons de référence. Et puis les échantillons, on ne va pas en mesurer qu'un seul. On fait un certain nombre de mesures sur chaque échantillon qui permettent justement d'évaluer cette reproductibilité. Et voilà. L'échantillon, comment vous allez réussir à le manipuler ? Alors tout dépend des techniques qui vont être mises en œuvre. Certains échantillons seront conditionnés dans des ampoules pour les protéger de l'air. C'est typiquement ce que moi je vais regarder au synchrotron, puisque moi ce que je vais regarder c'est l'état d'oxydation du fer en particulier, savoir si c'est rouillé ou si c'est pas rouillé, de manière à mettre en évidence des circulations de fluides sur l'astéroïde. Et ça typiquement ce que je veux moi, c'est qu'il n'y ait pas du tout d'humidité terrestre qui vienne rouiller le fer présent sur les échantillons. Et donc je vais avoir accès à des échantillons a priori qui n'auront jamais vu d'air ou d'atmosphère terrestre. J'ai Laurent, il aura probablement encore une autre préparation. Alors non, moi je vais récupérer des échantillons, comme je vous disais, qui auront été préparés à Grenoble et à Orsay. Et on va avoir différents types de préparations, mais globalement, On peut résumer ça à un disque de diamant sur lequel on va presser les échantillons, donc qui vont être incrustés dans le diamant. Et ce disque, on va pouvoir l'introduire dans nos porte-échantillons pour cet instrument. Et ensuite, voilà, on va pouvoir les analyser. Mais effectivement, le transport va se faire à l'air libre, donc ils seront exposés à l'air. Mais pour ce qu'on regarde dans l'équipe dans laquelle je participe, l'exposition à l'air n'est pas un très gros problème. Donc maintenant, on va aller voir un autre instrument qui est similaire à ceux qui seront utilisés au Japon pour caractériser les molécules organiques dans les échantillons de goût. Je vous montre ici une machine équivalente à celles qui vont être utilisées au Japon, notamment pour analyser toutes les molécules organiques qu'on peut mettre en solution. Et ça va être le cas, par exemple, des acides aminés ou d'autres molécules d'intérêt biologique. Alors, donc, dans la main, là, vous avez, par exemple, dans un petit flacon, cette solution. Donc, en fait, on a dissous. Voilà, exactement. Alors, l'instrument que je vous montre ici, c'est un chromatographe qui est couplé à un spectromètre de masse isotopique. Donc, ce genre d'instrument sert à séparer des molécules et à déterminer, par exemple, les rapports isotopiques du carbone ou de l'hydrogène dans les molécules. Ça nous renseigne, par exemple, sur le fait que cette molécule est vraiment extraterrestre, que ce n'est pas de la contamination. Et ça peut aussi nous donner des indications sur comment cette molécule s'est formée. C'est le robot qui fait tout le boulot. Presque. Donc là, ce que vous voyez, c'est que la machine est en train de prélever un petit volume de la solution. C'est un microlitre, donc c'est tout petit. Et avec une seringue spéciale, elle va l'injecter dans la machine très bientôt. Voilà, et donc là maintenant la molécule est en route dans l'appareil et dans quelques minutes on aura un résultat sur sa composition isotopique. Voilà pour ce reportage au Muséum National d'Histoire Naturelle par Céline Lozen. Une réaction à ce que vous venez d'entendre, Antonella Barucci, à ce caractère très impressionnant du nombre d'outils qui vont être déployés pour scruter de la poussière. Bah oui, donc comme on disait tout à l'heure, cette machine, comme aussi les synchrotrons, etc., on peut pas la porter sur une sonde spatiale, donc il faut l'avoir sur Terre. Et cette mesure, ça va être unique. Comme on disait, il faut que cet échantillon soit vraiment pristine, qu'il soit pas altéré par l'atmosphère terrestre. Et vous savez, tous les météorites qu'on pense qu'ils viennent des astéroïdes, normalement, ils passent l'atmosphère et ils ont un impact avec la Terre et donc quand même, ils ont subi une certaine espèce d'altération une fois qu'ils sont arrivés sur Terre. Donc, le but, c'est vraiment étudier ces matériaux primitifs et les mesures à faire, grâce à tous ces instruments très sophistiqués, ça nous permet de dater toute l'histoire des échantillons, déterminer les intervalles entre la nucléosynthèse, l'agglomération, la durée de l'agglomération, les temps d'accumulation, l'âge de cristallisation, les temps de réchauffage, les métamorphismes, les temps d'altération à cause. Donc, il y a toute une certaine mesure qu'on arrive avec des petits grains à faire et à déterminer des informations très précieuses. Zaya Djouadi, une réaction au reportage et vous-même, vous allez participer au travail sur ces échantillons. Donc, à double titre, je vous pose la question. Nous-mêmes, effectivement, on va participer, mais avec une autre technique. Parce qu'en fait, il faut savoir qu'effectivement, pour avoir des informations importantes de cette matière extraterrestre, pour la faire parler, une seule technique en elle-même ne suffit pas. Il faut combiner différentes techniques. Et donc, l'idéal, c'est de passer par les premières techniques qui sont dites non destructives, c'est-à-dire qu'elles n'altèrent pas les compositions, la composition, elles n'endommagent pas le matériau d'origine, puis petit à petit passer à des méthodes qui nécessitent, par exemple, une préparation qui va détruire la structure 3D ou une préparation telle que la nanosynthèse que l'on vient d'entendre qui va aller extraire, qui va aller arracher les atomes, etc., les éléments. Et du coup, on passe des chaînes les moins destructives aux chaînes aux manips les plus destructives et pour avoir un maximum d'informations et essayer de remonter au maximum d'informations par rapport à cette matière extraterrestre. Donc là, on comprend bien que ces poussières, elles seront pas. On comprend bien que ces poussières, elles seront pas mises sous cloche. On va vraiment les travailler on va les détruire un petit peu quand même. Ah oui, forcément. À un moment, bon, là, en ce moment, elles sont encore sous cloche. Elles sont en train d'être caractérisées. Je crois d'ailleurs cette semaine, jusqu'au 24, elles sont en train d'être caractérisées dans la Carolation Facility. Et ensuite, ils vont les cataloguer. Et vers le mois de juin, je pense, on va commencer à les recevoir ici au laboratoire pour ce qui s'appelle des PET, c'est-à-dire Preliminary Examination Teams. Donc, ce sont des groupes d'analyse primaires qui ont été formés par la JAXA. et ça comporte différents scientifiques de tout de différents continents et différents pays, dont on fait partie, beaucoup de Français font partie également. Et ces PET vont permettre de réaliser en 6 mois des analyses, essayer de faire de dire de quoi est composée cette matière. Et ensuite, suite à quoi, ça sera ouvert à la communauté via des appels d'offres plus généralement, quoi. Voilà. Donc là, on a un aperçu du début du premier calendrier des travaux de recherche qui vont être réalisés sur ces poussières. Il y a une autre chose qui est intéressante, c'est que 70% de ce prélèvement ne va pas être étudié, ne vont pas être étudiés dans l'immédiat. On les garde pour plus tard. Alors pourquoi ça? Oui. On les garde pour la postérité et on les garde aussi pour plus tard, sait-on jamais, on va encore avoir du matériel de plus en plus pointu. Donc voilà, on va pas tout utiliser. Bon, déjà, ils disaient ça à l'époque où ils espéraient ramener 100 mg. Aujourd'hui, ils en ont ramené 5 grammes, 50 fois plus que prévu. Donc du coup, effectivement, ils vont peut-être changer leur plan quant à la quantité à distribuer, mais il y aura certainement une bonne quantité qui va être gardée, en effet. Ouais. Vous travaillez un petit peu, finalement, comme des archéologues qui réservent toujours un petit mètre carré à fouiller pour les générations futures. Absolument, oui. Antonella Barucci, la mission Hayabusa 2, elle ne s'arrête pas du tout ici. On le comprend bien, il y a les travaux de recherche, mais la sonde elle-même, elle est toujours dans l'espace. Ce n'est pas fini. Alors, pourquoi ce n'est pas fini? Elle a obtenu une prolongation, on va dire. Oui, parce qu'en réalité, tout s'est tellement bien passé qu'on avait, c'est qu'on avait une possibilité de continuer. Il y avait du delta V, c'est qu'on considère quand on fait une démission spatiale pour continuer une mission. Et donc, grâce à cette réussite, la sonde, il va continuer et aller. Donc, il va voir, grâce à des fly-by avec la Terre, pour avoir ce qu'on appelle l'assistance gravitationnelle qui la permet de pousser, changer son orbite. Il va avoir un premier rendez-vous en 2026 avec une astéroïde qui s'appelle 2001 CC21, mais seulement avec celle qu'on appelle un survol. Et il va avoir par contre un rendez-vous en juillet 2031 avec l'astéroïde 1998 KY26. Voilà, 26. Qui on pense aussi, donc, les premiers astéroïdes, on pense qu'ils soient des types L, donc très mal connus, donc ça peut porter beaucoup d'informations. Par contre, l'autre objet final semble un autre astéroïde de type C, donc primitif, et donc ça peut être vraiment un très bon analogue avec Ryugu et Bennu. Mais l'effet c'est extraordinaire, parce que si vous imaginez, la mission, il va continuer encore pendant 10 ans, comme si c'était une nouvelle mission. Et donc, ça va apporter un progrès sur la navigation à longue durée, l'exploration d'astéroïdes différents. Donc là, ce sont des astéroïdes qui sont petits, avec des rotations très, très rapides. Donc, il faudrait l'observer avec des intervalles encore plus serrés. Et surtout, ça peut apporter des technologies sur ce qu'on appelle la défense planétaire. Parce que ces objets, il ne faut pas oublier quand même qui représentent en risque pour la Terre des possibles sécurités liées aux impacts potentiels. Voilà. Et donc, plus on connaît ces objets, plus on peut avancer aussi les technologies de défense. Bon, on l'aura compris, Hayabusa 2, c'est quand même une mission historique pour l'histoire. Donc là, la sonde n'est pas du tout mise à la retraite forcée. Au contraire, elle obtient une prolongation. On le disait aussi au début de l'émission, la recherche autour des astéroïdes est très active en ce moment. On peut peut-être évoquer ensemble d'autres programmes de recherche importants, notamment un programme Osiris-Rex, Antonella Barucci. Alors oui, vous travaillez pour ce programme-là. En quoi consiste cette mission de la NASA? Oui, c'est une mission de la NASA, donc, qui est là aussi, c'est une mission de Samporitu, c'est une mission de la NASA qui est arrivée sur l'astéroïde Bennu, et il a pris les mois d'octobre dernier des échantillons. Mais là, la mission de la NASA, le but c'était de prendre au moins 60 grammes. Et là, dans les premières estimations faites à bord, il n'est pas encore retourné, il va revenir en 2023, on estime qu'il y a au moins 400 grammes des échantillons. Donc là, c'est différentes technologies complètement différentes. Les mécanismes, c'est toujours ce qu'on appelle touch and go, parce qu'ils sont des objets qui n'ont pas de gravité, donc on touche, on reste quelques secondes. Mais là, on avait les mécanismes des échantillonnages. Il avait des tuyaux où on a poussé de l'azote. Et donc, l'azote, il a fait bouger les matériaux aux surfaces de l'objet, des Bennu. Et donc, on a eu la capacité de prendre encore plus de ces échantillons. Mais tout ça, il faudra attendre septembre 2023 pour retrouver sur Terre. Alors, une chose que je voulais dire aussi par rapport à la mission Hayabusa 2, qui était quand même extraordinaire, qui est pendant les 2021-2026, les Japonais continuer à observer et observer aussi des exoplanètes. Donc, vous voyez, c'était une mission. Décidément, vraiment, c'est vraiment un couteau suisse, ouais, cette sonde. Et c'est, par exemple, quand on fait les comparaisons avec la mission Osiris-Rex, c'était une mission, ça coûtait pas cher du tout. Si on peut faire une comparaison, à Hayabusa 2, ça coûtait peut-être 300, 350 millions d'euros. Par contre, la mission Osiris-Rex, ça coûtait au moins les doubles, peut-être encore plus. Donc, c'est quand même une grosse différence, hein, des budgets et tout, mais c'était une mission extraordinaire. Zaya Djouadi, si on doit parler de cette mission Osiris-Rex en comparaison avec la mission Hayabusa 2, quels points communs ont Ryugu, l'astéroïde visé par Hayabusa 2, et Bennu, l'astéroïde visé par la sonde Osiris-Rex? Le principal point commun, c'est que ce sont deux corps dits carbonés. Donc c'est vrai que Hayabusa 2, Ryugu, pardon, c'est le corps le plus sombre parce que on a mesuré ce qui s'appelle l'albédo, si vous voulez, c'est la quantité de lumière qu'il réfléchit, la lumière du soleil. Et là, c'est l'un des plus faibles albédos qu'on connaisse. Donc on espère effectivement que c'est un corps qui est riche en carbone, mais aussi potentiellement de minéraux qui seraient opaques, tels que la magnétite, qui va nous donner des renseignements sur une altération aqueuse du corps, etc. Donc Osiris-Rex, donc a ciblé Bennu. Bennu est également un type B, si je ne m'abuse, et B, c'est aussi un type carboné. Quand même, la réflectance, elle est, il me semble, 2 à 3 fois plus importante, mais il reste toujours aussi carboné. Donc le principal point commun, c'est que ce sont 2 carbonés et primitifs. Ça, c'est très important. Quant aux 2 missions, Hayabusa et Osiris-Rex, la différence, c'est que Hayabusa a pu déposer des landers. Quant à Osiris-Rex, ça sera juste les orbiteurs qui ont déjà pris des analyses, qui ont fait quelques spectres. Et puis, évidemment, ce retour d'échantillons qui va être extraordinaire également, vu la quantité dont ils ont des photos qu'on a vues, quoi, du coup. Oui, Antonella Barucci, à propos de cette récolte d'échantillons par Osiris-Rex, il y a eu un petit problème aussi, je crois, qu'il y avait une partie de ces échantillons qui s'échappaient dans l'espace. Oui, alors les premières images donc qui ont envoyé le mécanisme pour ramasser les échantillons sur Osiris-Rex, il y avait un bras, ce qu'on appelle le tag, et ce bras, une fois qu'il était remonté, on voyait qu'il y avait des échantillons qui sortaient. Donc, on a tout de suite mis dans la rentrée capsule et on a dit, on retourne. En fait, il y avait toujours une discussion, est-ce qu'on prend un deuxième échantillonnage ou non, et le but, c'était vraiment de ne pas perdre plus et d'entrer au plus vite possible. Donc, la différence entre les 2 astéroïdes, il semble que Bennu soit aussi beaucoup plus hydraté, donc il y a beaucoup plus de phyllosilicates sur la surface de l'objet. Et donc des bandes, quand on regarde la spectroscopie de la surface, des bandes qui sont beaucoup plus profondes. Donc tout ça, ça apporte quand même une composition différente, mais les 2 sont des objets primitifs et riches en organique. Donc ils vont être très complémentaires parce qu'ils vont être différents, avec une histoire différente, mais avec beaucoup d'analogies dans leur importance et conserver cette information primordiale. En préparant l'émission, Antonella Barucci, j'ai lu que Bennu et Ryugu pourraient éventuellement, c'est une hypothèse, venir d'un corps parent, d'un même corps, et auraient évolué ensuite séparément. Est-ce que c'est quelque chose que vous confirmez ? Ça pourrait être, mais ça c'est très discuté par les scientifiques, parce qu'on pense que ça pourrait venir de la même famille d'objets, etc. Mais en réalité, quand on les regarde, il y a quand même des grosses différences. Il y a des différences compositionnelles, même s'ils sont semblables à première vue. Donc c'est vraiment les retours d'échantillons qui vont nous dire la vraie différence. Donc comme je vous ai dit, il semble que Bennu soit beaucoup plus hydraté, qui contient beaucoup plus de matériaux hydratés par rapport à Ryugu. Mais est-ce que ça, c'est dû à l'effet que Ryugu était plus, il a subi des réchauffements plus élevés pendant un temps plus long, qui donc a diminué cette bande d'absorption, ce contenu d'hydraté, des matériaux hydratés. Tout ça sont des hypothèses. Mais alors, la chose incroyable à propos de Bennu, c'est qu'il y avait aussi des particules qui sortaient de la surface. Donc, on a eu l'impression d'observer une comète. Vous savez, quand on parle des comètes astéroïdes, on dit, ce sont des objets primitifs du système solaire, il y en a un qui est formé des glaces, l'autre formé des roches. Les comètes, ils ont une chevelure, les astéroïdes, non. Mais là, on observait vraiment une activité des particules qui sortaient. Et donc, est-ce que c'était des particules qui étaient formées des matériaux plutôt glacés, des volatiles. À la glacée, ce n'était pas possible, c'était trop proche du soleil, mais là, il y avait quand même du matériel volatile. Ou bien c'est des organiques, avec la température, ils sont sortis de la surface. Tout ça, c'était extraordinaire. On a vécu des années avec les deux missions incroyables. C'est, chaque jour, il y avait des découvertes différentes. C'était vraiment très excitant. Et je pense que là, avec les échantillons, on va voir. Alors, il y a eu toujours beaucoup de discussions entre les scientifiques qui travaillaient sur les météorites et les astrophysiciens, les cosmochimiques, parce qu'en réalité, alors, d'abord, il faut savoir que les cosmochimiques français sont les meilleurs du monde, sont très bons. Et donc, moi, je ne suis pas cosmochimiste, donc je peux les dire. Et en réalité, donc, avoir cet échantillon, ça va être quelque chose qui ça pourrait être aussi complètement différent de tous les matériaux météoritiques qu'on a eu jusqu'à maintenant. On connaît toute une partie des météorites carbonées, mais ils sont très fragiles. Donc, seulement les 5% des météorites qu'on a sur Terre sont conduites carbonées. Par contre, quand on regarde les astéroïdes, ceux qu'on pense être primitifs, des types C, D, T, etc., vraiment très primitifs, ils sont plus que les 50%. Donc, il y a de la matière qu'on n'a pas encore à disposition sur Terre. Ces matériaux sont fragiles, ils tombent sur Terre, ils peuvent être détruits, on ne les retrouve pas. Et encore, aujourd'hui, on retrouve de plus en plus des météorites différentes, des conduites carbonées qu'on ne connaissait pas, que c'était différent. Donc, moi, je suis sûre que ces deux objets ne vont pas être identiques, même s'il semble que ça pourrait être semblable à les chondrites carbonées, des types CM, CI, etc. Mm-hmm. Moi, je pense que les analyses détaillées de ces matériaux, ça va donner beaucoup de découvertes. Zaya Djouadi, on comprend bien le momentum dans lequel se retrouve la recherche sur les astéroïdes. Il nous reste une petite minute pour évoquer d'autres missions desquelles on peut attendre des résultats intéressants. Est-ce que vous pourriez nous parler de quelques autres missions, les nommer, puisqu'on n'a vraiment plus beaucoup de temps? Alors, avec Osiris-Rex, effectivement, qui est très important, qui va arriver en 2023. Il y a ensuite la mission MMX, mais ce n'est pas de la matière primitive, mais le retour prévu vers 2029 à peu près, ça va être des échantillons des lunes de Mars. Des lunes de Mars, oui. Notre histoire. Ce n'est pas par rapport aux petits objets du système solaire pour l'histoire de la primitivité, non. C'est juste l'exploration. Donc l'objectif, c'est de voir est-ce que ces lunes sont issues d'un impact, comme par exemple notre histoire avec la Lune, ou est-ce que ce sont des astéroïdes de la ceinture externe qui seraient retrouvés ici à graviter autour de Mars. Donc ça fait partie aussi des retours prochains. Et on suivra. Je suis désolé de vous interrompre, puisque la mission touche à sa fin, et on suivra évidemment avec grande attention non seulement ces missions, mais aussi vos travaux de recherche sur ces poussières de l'astéroïde Ryugu. Merci beaucoup à vous deux, Zaya Djouadi, Antonella Barucci, de nous avoir accompagné tout au long de cette heure pour parler de la mission Hayabusa 2 et de la recherche plus globale sur les astéroïdes. Un grand merci également à toute l'équipe de la méthode scientifique, François Malordi, Céline Lozen, Noémie Naguet de Saint-Vulfranc, Natacha Triou, Alexandra Delbo, Tom Humdenstock, à la réalisation Hélène Trigueros, à la technique aujourd'hui Jean-Frédérix. Au programme demain, on prend la mer avec la mission scientifique Tara Océan. On vous dira tout sur l'exploration des océans et la prochaine mission du voilier scientifique consacrée au microbiome. À demain.